Il se sent, mais les rêves en rien ne s'assemblent. Couleur de laine, couleur de pérenne. Les nuits de mémoire ont de beaux rictus. La mémoire aurait dû finir son opus. Mémorie de l'absence de vie. La mémoire et le silence s'installent. Dans sa s'habiller, les grades de bas d'étale. De chaque départ, chaque retour, à chaque signal. Mémorie, mémorie de l'absence.